السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولا ضلالة في النار. أما بعد en cette soirée du samedi 7 Jumada, 7 Jumada l'awwal 1430 de l'Hégire, ce qui correspond inshallah ta'ala avec le 2 mai, le 2 mai 2009 bi'idhni azza wa jalla. Nous sommes toujours dans l'aqida al-wasitiyya. Inch'Allah ta'ala, nous sommes dans le cours numéro 39 où on a déjà commencé à parler des prodiges et des miracles. Et on avait dit que la différence entre les deux, c'est que les miracles sont exclusivement voués au message et au prophète. Tandis que les prodiges, ce sont les choses qui sortent de l'ordinaire, mais qui sont faites par qui? Par les saints. Et nous avons montré que le saint, c'était toute personne qui était croyante et qui, en plus de cela, était pieuse. Et le pieux, c'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et fait les choses obligatoires et fait des efforts pour faire les choses conseillées, les choses qui sont seulement conseillées. Et de l'autre côté, il ne fait pas les grands péchés et il fait son possible pour s'éloigner des conseillers, pour s'éloigner des choses des conseillers. On avait cité aussi quelques prodiges. Et aujourd'hui, on va parler d'autre chose. On va parler de quoi? On va parler de ceux qui disent que ce n'est pas vrai et qu'il n'y a pas les prodiges. Ils disent on croit aux miracles des messagers, mais on ne croit pas aux prodiges. Comme par exemple la secte qui s'appelle Mu'tazila. Mu'tazila. Ils ont dit il n'y a pas ce qu'on appelle les prodiges. Quelle est leur raison? Quelle est leur excuse? Ils se basent sur quoi? Ils ont dit si on va dire qu'il y a les prodiges, alors ça va se mélanger, il va y avoir des ambiguïtés. On ne va plus discerner entre le sorcier et le saint. On ne va plus discerner entre le saint et le messager. Parce que chacun d'eux peut te faire des choses extraordinaires, des choses qui sortent de l'ordinaire. Alors il va y avoir des ambiguïtés et les gens ne vont plus comprendre. On va leur répondre, « Fayuqal ». La yumkinul iltibas. On va leur dire, non, il n'y aura pas, inshallah ta'ala, d'ambiguïté. Pourquoi? لأن الكرامة على يد ولي والولي لا يمكن أن يدعي النبوة. On va dire pourquoi? On va dire parce que le prodige va avoir lieu par le biais d'un saint. Et le saint ne va jamais dire, ne va jamais prétendre la prophétie. Donc, et si le saint, si jamais il va dire qu'il est un prophète, alors dans ce cas, ce n'est plus un saint. Celui-là, ce n'est plus un saint. Non. Et il a dit ensuite, la même chose pour le miracle. Le miracle, il va avoir lieu par le biais de quoi? Par le biais d'un messager ou bien d'un prophète. Ou sha'wazatu as-sihru ala yadi aduwin ba'id min wadla. Alors que le charlatanisme et la sorcellerie sera faite par le biais de quoi? Par le biais d'un, d'un ennemi d'Allah, c'est pas d'un saint, c'est pas d'un allié d'Allah. Or, celui-là, l'ennemi d'Allah, c'est un ennemi d'Allah. Non. C'est-à-dire que celui-là, il va céder par qui? Par des shayatines et des esprits. Non. Ce sont eux qui aident le sorcier, ce sont eux qui aident le charlatan. Bikhilaf il karama. Non. Contrairement à quoi? Contrairement au prodige. Contrairement au prodige. Le prodige vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah azza wa jal qui veut quoi? Qui veut montrer que telle et telle personne, hein, peut faire des choses bien azza wa jal qui sortent de l'ordinaire, mais qui sont faites, yani, par la base, par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah ta'ala a choisi telle personne qui a atteint un degré, mashallah, de piété pour faire d'elle qu'elle puisse faire des choses extraordinaires. قال العلماء كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه لأن الكرامة شهادة من الله عز وجل أن طريق هذا الولي طريق صحيح. Les savants ont dit, tout prodige, نعم, tout prodige qui se passe à un saint, tout prodige qui arrive à un saint, c'est un signe. C'est un signe de quoi? C'est un signe pour le messager qui est en son époque. Non. C'est-à-dire, par exemple, nous, tout prodige qui aurait lieu de la part d'un saint de notre époque, c'est un signe de la véracité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout prodige qui a lieu au temps de Isa alayhi wa sallam, c'est un signe de la véracité de Isa alayhi wa sallam, et comme ça. Donc, chaque prodige qui a lieu dans une nation, c'est quoi? C'est un signe de véracité du messager de cette nation. Pourquoi? Parce que le prodige est un témoignage d'Allah Azzawajal que ce que fait ce saint, yani, il est vraiment dans le vrai chemin. C'est-à-dire le chemin du messager d'Allah qui a été envoyé en son époque. وعلى هذا ما جرى من كرامة للأولياء من هذه الأمة فإن آيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit donc, par conséquent, tous les prodiges qui ont eu lieu dans cette umma, la umma du messager d'Allah, عليه الصلاة والسلام, Muhammad, نعم, tous les prodiges qui ont eu lieu, ce sont des signes véridiques, نعم, de la véracité de la prophétie de Muhammad صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض العلماء ما من آية لنبي من أنبياء السابقين إلا ولرسول الله عليه الصلاة والسلام مثلها. C'est pour ça d'autres savants ont dit, il y a pas un signe de qui a eu lieu à un messager, des messagers, des nations qui étaient avant notre nation, hein, sans que ça ne soit un signe pour qui? Pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. C'est-à-dire même tous les signes que, ou là, disons tous les miracles qui ont eu lieu par le biais des messagers précédents, même ces miracles des messagers sont quoi? Sont le signe de la véracité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas un miracle qui a eu lieu chez un des messagers avant Mohammed alayhi sallam, sans qu'il n'y ait eu, yani, chez Mohammed alayhi sallam lui-même, yani, quelque chose d'égal ou de supérieur. Quelque chose d'égal ou de supérieur. فَأُولِدَ عَلَيْهِمْ أَنَّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُلْقَى فِي النَّارِ فَيَخْرُجَ حَيِّنْ كَمَا حَصَلَ ذَلِكَ لِيَبْرَهِمْ. Maintenant, quand nous on va dire que il n'y a pas un miracle qui s'est produit à un des messagers, sans que notre messager n'ait eu plus grand, supérieur. Alors là, ils vont essayer de, yani, nous trouver des choses à laquelle ils croient qu'on ne va pas avoir de réponse. Ils vont dire, par exemple, Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu et il est sorti vivant du feu. Est-ce que Mohammed alayhi salam a été jeté dans le feu? Réponse. Fa'ujiba bi'anna جرى ذلك لأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكروا المؤرخون عن أبي مسلم الخولاني وإذا أكرم أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بجنس هذا الأمر الخارق للعادة دل ذلك على أن دين النبي صلى الله عليه وسلم حق، لأنه مؤيد بجنس هذه الآية التي حصلت لإبراهيم. Vous avez compris, ils ont dit que vous dites qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe à un messager sans qu'elle se passe à, au messager Mohammed ou supérieur. Alors dites-nous, qu'en est-il de Ibrahim qui a été jeté dans le feu, qui est sorti vivant, alors que Mohammed n'a pas été jeté dans le feu ni sorti vivant? Réponse, ça s'est passé à ceux qui ont suivi Mohammed. Ça s'est passé à quelqu'un, par exemple, qui s'appelle Abu Muslim Khawalani, qui a été jeté dans le feu. Et le feu ne l'a pas brûlé, il est sorti vivant. Et on va dire, si quelqu'un qui n'est pas un messager, c'est seulement quelqu'un qui a suivi Mohammed est sorti vivant du feu, c'est plus supérieur que ça soit un messager qu'on jette. Vous comprenez? C'est-à-dire, seulement une personne simple, une personne pieuse, a été jetée dans le... mais qui vient de la nation de Mohammed a été jeté dans le feu et sorti vivante. C'est plus yani, ça, je ne sais pas comment vous faire comprendre, ça veut dire que c'est plus supérieur que ça soit un prophète. Ça ne demande même pas que ce soit un messager. Juste une personne pieuse a été jetée dans le feu et est sortie vivante. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire la grande valeur de la prophétie de Mohammed alayhi salam. Au point où il permet même à juste une personne qui le suit de sortir vivant du feu. Subhanallah al-Azim. Ensuite, ils ont une deuxième ambiguïté. Ils vont dire, wa urid alim anna al-bahra lam yuflaq lin-nabi sallallahu alayhi wasallam wa qad furiqa li Musa. Ils vont dire, hada Musa alayhi salam. Musa alayhi salam, la mer, comme vous savez, il est rentré dans la mer. Allah azza wa jal a fait de la mer que un côté soit allé à droite, un côté à gauche, comme des montagnes, et Moussa alayhi salam a marché comme ça, a marché en plein milieu de la mer. Ils ont dit, où ça se trouve ça, chez le messager d'Allah alayhi salam. Est-ce que le messager d'Allah, Allah ta'ala, lui a ouvert comme ça la mer, et il a marché au milieu d'eux? Réponse. فَأُجِيبَ بِإِنَّهُ حَصَلَ لِهَذِي الْأُمَّةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ فِي الْبَحْرِ شَيْءٌ أَعْظَمْ مِمَّا حَصَلَ لِمُوسَى. Réponse, ce qui s'est passé à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est supérieur, en ce qui concerne le fait de marcher sur la mer, est supérieur à ce qui s'est passé à Moussa alayhi sallam. كَمَا فِي قِصَّةِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِ وَجَمَعَتِي حَيْثُ مَشَوْ عَلَى ظَهْرِ الْمَا. Donc on a cité la fois passée que Al-Ala ibn al-Hadrami et le groupe qui était avec lui ont marché sur l'eau. On avait même cité un sahabi Jalil, radiallahu ta'ala anhu, on avait dit que lui aussi, Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu ta'ala anhu, avait traversé la rivière de Dajla sur l'eau. Donc il a dit وهذا اعظم مما حصل لموسى لان موسى مشى على ارض يابسه. Ils ont dit, et ça c'est supérieur, c'est plus fort que ce qui est arrivé à Moussa. Pourquoi? Parce que Moussa alayhi salam, il a marché sur quoi? Il a marché sur la terre, il a marché sur le sol. Ça veut dire quand la mer s'est ouverte, il n'a pas marché sur la mer, mais il a marché sur le sol comme nous on marche, c'est-à-dire il a marché sur le sable, sur le fond où il y avait la mer, n'a pas marché sur l'eau. Tandis que Al-Ala ibn al-Hadrami et Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhum ont marché sur de l'eau. Subhanallah al-Azim. C'est plus important que de marcher, que la mer s'ouvre et tu marches sur la terre, tu marches sur le sol. Tayyib. Wa urida 'alayhim anna min ayati 'Isa ihya'ul mawta. Wa lam yaqa' dhalika lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, on a autre chose qui ne s'est pas passé à Mohammed, mais qui s'est passé à Isa, par exemple. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que Isa, alayhi salam, pouvait, bi'idnillahi ta'ala, faire ressusciter les morts. Or, le messager d'Allah n'a jamais ressuscité un mort, d'après eux, bien sûr. Fa'ujiba, bi'innahu hasala, li atba'i rasul, alayhi salam, na'am, mitlu hada. كما في قصة الرجل الذي مات حماره في أثناء الطريق فدعا الله تعالى أن يحييه فأحياه الله تعالى. Réponse, c'est Isa alayhi salam a, بإذن الله عز وجل, ressuscité les morts. Naam. Il y a une personne, mashallah, pieuse, naam, qui a fait des doigts, une personne de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était en voyage sur un cheval. Ensuite, le cheval est mort à mi-chemin. Qu'a fait cette personne? Elle a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des doigts pour que Allah azzawajal ressuscite et fasse, yuhi, ressuscite, c'est ça, son cheval. Et cette personne s'appelle, attendez, j'ai son nom ici, s'appelle, attendez une seconde, Seylatou Bnou Hachiyam. Seylatou Bnou Hachiyam, c'est un tabi'i, c'est-à-dire le fils d'un compagnon. Il a demandé à Allah Azzawajal de ressusciter son cheval. Allah Azzawajal lui a ressuscité son cheval. Juste le temps pour qu'il arrive chez lui. Et quand il est arrivé chez lui, le cheval est mort. Donc vous voyez, c'est une grande preuve parce que ce n'est même pas un messager. Et ce n'est même pas un compagnon, c'est son fils. Mais tellement la communauté du messager d'Allah a.s. a de valeur que Allah Ta'ala lui l'a aidé et lui a fait ressusciter son cheval bi-idhnillahi azza wa jal. Naam. Donc, toutes les choubouhettes qu'il donne, il y a toujours une réponse à leurs choubouhettes. Toutes les ambiguïtés qu'il donne bi-idhnillahi azza wa jal, on a toujours une réponse à leurs ambiguïtés. وَأُرِدَ عَلَيْهِمْ إِبْرَاءُ الْأَكْمَهِ وَالْأَبْرَصِ. Et ils ont posé aussi comme ambiguïté, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Isa alayhi salam pouvait, bi-idhni azza wa jal, guérir al-akmah al-abras, guérir la personne qui naissait aveugle. Une personne qui naissait aveugle, Isa alayhi salam pouvait la guérir, bi-idhni azza wa jal, et faire de sorte qu'elle devienne voyante. Et la même chose pour la personne qui a des taches blanches de pigmentation, quelque chose comme ça, sur la peau. Et c'est alayhi salam, juste caresser sa peau, et la personne avait, bien azzawajal, une couleur de peau, masha'Allah. Donc ils ont dit, où ça se trouve ça? Chez le messager d'Allah, alayhi salam. Ujiba, fait Ujiba, بأنه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أن قتادة بن النعمان لما جرح في أحد ندرت عينه حتى صارت على خده فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخذها بيده ووضعها في مكانها فصارت أحسن عينيه فهذا من أعظم الآيات. On va leur dire, عليكم السلام وبركاته, on va leur dire, si عيسى عليه السلام, نعم, soignait et guérissait bien celui qui avait les taches, la lèpre, celui qui avait la lèpre. Et moi personnellement, Abou Marwan, je ne pense pas que ce soit la lèpre, parce que la lèpre c'est une maladie qui fait que la peau commence à tomber, Allah subhanahu wa ta'ala l'afia. Mais cette maladie dont je parle, ça s'appelle, on a des taches blanches dans la peau, sous les yeux, dans les mains. Et c'est ce qu'a un peu maintenant Michael Jackson. Al-Muhim, vous avez compris ce que je veux dire. Alors ils ont dit, où est ça chez Mohammed alayhi salam? Où est ça? La réponse, Anna Qatada ibn al-Nu'man. Regardez ce sahabi radiallahu ta'ala anhu, qui s'appelle Qatada ibn al-Nu'man. Une fois dans la bataille de Uhud, on l'a blessé avec l'épée dans son œil. Au point où, son œil est tombé sur sa joue. Subhanallah l'adhim. Son œil est sorti. Il est sorti de son emplacement et est tombé sur la joue. Il restait seulement relié comme ça, avec un nerf ou quelque chose comme ça. Subhanallah l'adhim. Le messager d'Allah a pris son œil dans sa main. Donc, il l'a détaché. Classe. Il l'a enlevé. Il l'a pris. Il l'a mis dans sa main et il l'a replacé dans son emplacement de nature. Et cet œil-là, non seulement il a recouvert, il a repris sa fonction, mais mieux encore, ce sahabi radiallahu ta'ala anhu disait que c'était de cet œil maintenant qu'il voyait mieux que l'autre œil qui n'a pas été blessé. Allahu Akbar. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il prend son œil, khlas, qui s'est déplacé, détaché, il le passe et Allah azza wa jalla fait la bénédiction et la baraka du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au point où il va voir de cet œil mieux que de l'autre œil qui n'a pas été blessé, qui n'a pas été touché. Et Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahullah dit, celui qui veut connaître et voir ce qui s'est passé au messager, à la communauté du messager d'Allah, alayhi sallam, yani les prodiges et les miracles, alors qu'il lise le fameux livre qui s'appelle Al-Bidayatu wa Nihayatu fi Tarikh. Al-Bidayatu wa Nihayatu fi Tarikh de Ibn Kathir. Alors qu'il lise ce livre, yani, il ne pourra pas s'éloigner de ce livre. Ce livre, comme vous savez, il contient plusieurs tomes, 10 ou plus. Et chaque tome, il contient 500 ou 600 pages. Masha'Allah, qui s'appelle comment? Al-Bidaya ou Nihaya. Le début et la fin, subhanallah al-Azim, dans l'histoire. Le début et la fin. Pourquoi il a appelé le début et la fin? Parce qu'il commence 14 tomes, Masha'Allah. 14 tomes. Pourquoi le début et la fin? Parce qu'il commence depuis la création. Depuis la création des cieux et des terres, jusqu'à ce qu'il soit mort, bloqué, jusqu'à lui. Imaginez, il commence de Adam, comment il a été créé. Ensuite, les anges, les cieux, la terre. Enfin, Adam, c'est le dernier. Ensuite, yani, tout ce qui s'est passé. Ensuite, Adam, comment il est descendu sur terre. Et ensuite, Nuh, alayhi salam. Et ensuite, comme ça, les messagers, un par un, jusqu'à ce qu'il arrive à Muhammad, alayhi salam. Ensuite, toute sa vie. Ensuite, comment qu'il est mort. Et ensuite, jusqu'à ce que cette personne meure. Il parle même de la vie de Ibn al-Qayyim, la vie de Taymiyyah, et comme ça, masha'Allah. Pour ceux qui lisent ce livre, c'est vraiment, yani, tu te sens, yani, au paradis. Quand tu commences à lire, tu te sens, yani, tu vis avec eux, tu vis avec les compagnons, tu vis avec les messagers. Et surtout que cette personne qui l'a écrite, c'est qui? Ce n'est pas n'importe qui. C'est Ibn Kathir, Oma Adrakum, qui c'est Ibn Kathir. Lui-même, l'un des adeptes les plus proches de Ibn Taymiyyah rahimahullah, parce qu'il était lui-même l'adepte, l'élève de Ibn al-Qayyim, élève de Cheikh al-Islam, et Ibn Kathir lui-même assisté au cours de Cheikh al-Islam alayhi rahmatullah. Al-Muhim, tenbih, il a dit remarque, al-karamat, les prodiges, قلنا إنها تكون تأييدا أو تثبيتا أو إعانة للشخص أو نصرا للحق. Il a dit Cheikh, on a dit que les prodiges, elles sont là, azawjil, des faits, pourquoi? Pour, yani, seconder la personne, ou bien pour la raffermir, ou bien pour l'aider, ou bien parce qu'il veut faire triompher le haqq. Allah Ta'ala veut faire triompher son din. وَلِهَذَا كَانَتِ الْكَرَامَةُ فِي التَّبِعِينَ أَكْتَرْ مِنَا فِي الصَّحَابَ. Écoutez ce qu'il va dire, c'est un peu étonnant, subhanallah al-Azim. Il a dit, c'est pour cela que des prodiges dont les enfants des sahaba, les enfants des compagnons, étaient plus nombreuses, un prodige, étaient plus nombreux, que les prodiges chez les sahaba. Pourquoi les prodiges chez les enfants des sahaba étaient plus nombreux que les prodiges chez les sahaba? Vous savez pourquoi? لأن الصحابة عندهم من التثبيت والتأييد والنصر ما يستغنون به عن الكرامات. Pourquoi les prodiges sont plus nombreux chez les enfants des Sahaba que chez les Sahaba? Pourquoi? Parce que les Sahaba radiallahu ta'ala anhum ont de la foi et du raffermissement dans le cœur, ils en ont tellement qu'ils n'ont pas besoin de prodiges. Non, pourquoi Allah Ta'ala te donne le prodige? Je dis, pour t'aider, pour te seconder, pour raffermir ton cœur. Les sahaba, on n'est que raffermis. Ils n'ont pas besoin de prodiges. S'il y a des prodiges, ils sont peu nombreux. Mais plus on s'éloigne de la prophétie, plus on s'éloigne de l'ère des compagnons, plus on a besoin de prodiges. Pourquoi? Parce qu'on devient faible. Et on a le cœur comme ça qui s'ébranle vite. Et on a le cœur plein d'ambiguïté. On a le cœur très faible. Naam. Donc là, on a besoin de prodiges pour nous raffermir. Mais quant aux compagnons, ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas besoin de prodiges. Ils ont le cœur, masha'Allah, raffermi, le cœur, masha'Allah, yani serein, et masha'Allah, yani qui ne s'ébranle jamais. Naam. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بين أظهرهم. Et le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام vivait avec les sahaba. Lui-même, en le voyant, hein, lui-même était un miracle. Tu n'as pas la besoin qu'on raffermisse ton cœur. وأما التابعون, quant aux enfants des compagnons, فإنهم دون ذلك. Le rang est moins élevé. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala leur a donné beaucoup de prodiges pour les raffermir. Maintenant, quand on a parlé des prodiges, on a dit, si vous vous rappelez, que les gens de la tradition de la sunna croient aux prodiges des saints, aux choses extraordinaires accomplies par eux, de par la volonté divine, dans les domaines des sciences, des dévoilements, des réalités cachées, le mukashafa, ainsi qu'aux différents pouvoirs et influences dont ils sont dotés. Donc, vous remarquez que, il y a des prodiges, on va voir, vous allez voir ici, qu'il y a des prodiges qui ont rapport avec la science et les dévoilements des réalités cachées, comme il y a des prodiges qui ont rapport avec quoi? Avec les pouvoirs et les influences dont Allah Azza wa Jal les a dotés. Donc, on va résumer que les prodiges ont quatre portées. La première portée, awalan, pourquoi? Bayanu kamal qudrati Allah Azza wa Jal. Le prodige, Allah Azza wa Jal le fait, pourquoi? Pour montrer le grand pouvoir et la grande puissance d'Allah Azza wa Jal. La parfaite puissance d'Allah Azza wa Jal. حيث حصل هذا الخارق للعادة بأمر الله. Parce que une chose extraordinaire vient de se passer. Une chose qui vient de sortir de l'ordinaire pour montrer que Allah Azza wa Jal, quand il veut faire une chose, il la veut, personne, aucune chose ne peut l'entraver. Quand il a voulu créer Isa alayhi salam, son père, il l'a créé. Son père. Les croyants ont cru. Allah Ta'ala a raffermi leur cœur. Ils ont cru. Les autres ont eu le cœur ébranlé. Ils ont dit, c'est pas possible qu'une femme donne naissance à un enfant sans père. Ce n'est pas possible. Donc elle a fait la zina. Et d'autres, les chrétiens, que Allah Azza wa Jalla nous en préserve, ils ont dit, donc Allah Ta'ala qui a fait la chose, que Allah Ta'ala nous préserve avec Maryam, avec Marie, et il a donné cet enfant. Et les croyants, ont cru. On dit Allah Ta'ala peut faire ce qu'il veut. Naam, rien ne peut l'entraver. Il a donné un enfant, quoi, son père, pour prouver qu'il est capable de tout. Comme il a donné Hawa, son mère. Il a donné seulement de Adam, de la côte gauche sous son aisselle, pour prouver qu'il fait ce qu'il veut. Naam, il change la nature comme il veut. Naam, le soleil qui ne sort que de l'est va un jour sortir de l'ouest pour te prouver qu'il est capable de tout. Il peut inverser les choses. Quand il y a un feu, on l'éteint avec quoi? On l'éteint avec de l'eau. Naam. Quand Allah Ta'ala veut terminer ce monde, la fin du monde, l'eau lui-même qui est la mer elle-même va brûler. La mer va devenir un grand feu, le plus grand feu qu'on puisse imaginer. Et elle va recouvrir le monde. Subhanallah al-Azim. L'eau, on a l'habitude, on le prend pour éteindre le feu. Maintenant, l'eau lui-même va brûler, va s'allumer. Naam. Allah Ta'ala fait ce qu'il veut, quand il veut. Naam. Rien ne peut entraver sa volonté. Ça, c'est la première portée. Deuxième portée. Pourquoi il y a des prodiges? تَكْدِيبُ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الطَّبِعَةَ هِيَ الَّتِي تَفْعَلُ. Allah Ta'ala donne les prodiges pour faire un démenti, pour démentir et acculer qui? Les menteurs. Les menteurs qui disent quoi? Qui disent que c'est la nature qui fait ces choses-là. Or, si la nature, c'était elle qui faisait, On sait que la nature marche sur un même rythme. Comment se fait-il ici que le rythme a changé? Donc, cela veut dire que certainement, il y a quelqu'un derrière la nature. Et ce quelqu'un qui est derrière la nature, ce n'est d'autre que Allah Azzawajal. Non, c'est la deuxième portée. Parce que la nature ne change jamais. La nature veut que le soleil se lève toujours à l'est. Comment se fait-il aujourd'hui s'il est levé à l'ouest? Non, la nature veut que pour avoir un enfant, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Comment se fait-il que Issa soit sorti sans homme? Donc, Allah Ta'ala donne les prodiges et les miracles pour montrer que c'est lui qui, quoi? C'est lui qui dirige, c'est lui qui gère. C'est lui qui gère, c'est lui qui dirige, c'est lui qui régit. C'est pour ça qu'il a dit dans un hadith authentique, qu'est-ce qu'il a dit? Inna Allah huwa dar. Il a dit, la tasubbu. N'insultez pas dar. N'insultez pas dar. Dar, c'est le temps. Ne l'insultez pas. Allah Azzawajal, c'est lui le temps. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est lui le temps? Ce n'est pas un attribut, hein, ni un nom. Ça veut dire que c'est lui qui gère le temps. Ce n'est pas comme on fait les djouhels. Les djouhels, s'il y a une pluie, il y a une pluie par exemple qui est forte, il commence à insulter la pluie. S'il y a un vent qui est fort, il insulte le vent. Alors que nous, s'il y a une pluie, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'an. On demande à Allah Ta'ala de faire de cette pluie qu'elle nous porte des intérêts. Naam. Et si ça ne va pas, il y a des intempéries ou là, on fait des doigts, la salade spéciale pour de la pluie. Comment l'arrêter? Comment la faire tomber, bidnillah, et comment l'arrêter, bidnillah. Nous, toujours, dès qu'il y a quelque chose, c'est quoi? C'est notre cœur qui est attaché, annexé à Allah Azzawajal, et on lève la main, les mains, on commence à faire des doigts, ou bien la prière. Tandis que les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par insulter. Non, c'est pour ça que, chez nous, s'il y a un vent, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Allah Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka min khayriha, wa khayri ma fiha, wa khayri ma bu'idat bihi, ou ursilat bihi. ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما بعث به. Et comme ça, on demande à Allah Ta'ala que ce vent-là, s'il est fort, hein, qu'il ne nous rapporte que du bien et qu'il éloigne de nous tout vent, hein, qui soit venu comme un châtiment aux gens. Hein. Troisièmement, c'est quoi la troisième portée du prodige? أنها آية للنبي المتبوع. كما أسلفنا قريبا. نعم. C'est un signe pour le messager qui est suivi. نعم. C'est un signe pour lui aussi. C'est un signe pour lui aussi. Quatrièmement, أن فيها تثبيتا وكرامة لهذا الولي. Quatrièmement, le prodige contient quoi? Contient, يعني, un raffermissement pour la personne à qui ça arrive. La personne. À qui ou à laquelle arrive un prodige, c'est vraiment yani, une preuve d'elle qu'elle a quoi? Qu'elle a atteint un degré de piété, masha'Allah. Au point où Allah Azza wa Jalla l'a choisi pour faire quoi? Pour faire des choses, pour faire par son biais des choses qui sortent de l'ordinaire. Et ça n'arrive pas à n'importe qui. Une personne qui fait une chose qui sort de l'ordinaire, ce n'est que l'une des deux personnes. Ou bien cette personne. C'est un sorcier, un charlatan, qui se fait aider par les djinns et les esprits, ou bien c'est un pieux, c'est un quoi? C'est quelqu'un qui est arrivé à devenir un saint. C'est un saint, waliyun min awliya Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça que nous, on devrait yani, corriger aux gens l'idée qu'ils croient que le saint, c'est seulement yani, la personne qui est morte et sur laquelle on a bâti avec la bâtisse, je sais pas comment ça s'appelle, comme ça en verre, et on va acheter des bougies et on va aller tourner autour de sa tombe et lui demander de nous donner des enfants et d'éloigner de nous les problèmes. Ce n'est pas ça le saint, ça c'est le shirk, ça c'est le grand shirk qui va te faire rentrer en enfer pour ne plus en ressortir. Mais le saint, c'est une personne qui a atteint un degré de piété, naam, comme Allah Ta'ala l'a cité dans le Coran. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya. Et c'est pour ça que, comme je l'ai dit une fois, nous par exemple, on est là dans le salon, attendez, je vois, on est par exemple 175 dans le paltok. Parmi ces 175, qui sait que peut-être il y a des saints entre nous, des saints et des saintes, des saints qui passent la nuit à prier, qui passent des jours à jeûner, qui donnent chaque mois de leur argent aux pauvres, qui aident, qui ceci, cela, ce sont des saints et des saintes, mais on ne les connaît pas. Nam, et Allah Ta'ala a montré dans le Coran que l'un des signes des saints, Nam, l'a montré dans le Coran et dans le Hadith. Dans le Coran, il a dit, Ala inna awliya Allah, les saints, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, ils n'auront peur ni ne seront chagrinés. Qui? Alladhina amanu wa kanu yattaqun, ceux qui ont cru et qui sont pieux, hein, lahumul bushra fil hayat dunya. Lahumul bushra, ils ont la bonne nouvelle dans cette dunya. C'est quoi donc le signe, l'un des signes des saints? Il bushra, la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle dans le verset? Le messager d'Allah l'a expliqué dans un hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani, rapporté par Ahmed. C'est quoi? Il a dit, ru'ya as-saliha, yaraha al-mu'minu aw tura lahu. Il a dit, le saint, c'est celui auquel Allah Azza wa Jal va lui montrer un rêve, comment on appelle ça, un rêve véridique. Quand tu commences, mon frère et ma soeur, quand tu commences à avoir des rêves véridiques, qui, lorsque tu vois un rêve, ensuite il se réalise, sache que pendant cette période-là, mashallah, tu as atteint le degré du saint. Car le saint, on atteint un degré, et des fois on reste dans ce degré, et des fois on descend. Si on va faire après des grands péchés, on va descendre. Mais dans la période où tu vois, mashallah, tu vois les rêves qui se réalisent, sache que, mashallah, tu as atteint, mashallah, un degré de vraiment un degré de piété. Et dans un hadith, le messager d'Allah a dit, inna wali Allah ou awli Allah, c'est un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani aussi, il se trouve dans Sahih Al-Jama, il a dit que awli Allah, c'est la personne qui, lorsque tu la vois, yani, tu sens qu'elle craint Allah Azza wa Jal. Naam, c'est celui-là, wali Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, tu vois des personnes, hein, tu ne sens rien. Et des fois, tu vois une personne, tu sais qu'elle est pieuse, etc. Tu sens, mashallah, qu'elle craint Allah subhanahu wa ta'ala. Même dans ton cœur, tu sens quelque chose. Et tu sens comme, yani quelque chose, comme un frisson comme ça. Quand tu vois certaines personnes, hein, les pieuses, mashallah, azzawajal. Celui-là, c'est un apaisement aussi. Celui-là, c'est un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et si je ne me trompe pas, pour être plus sûr, attendez une seconde ici, je crois qu'il a dit, si je ne me trompe pas, le hadith il a dit, l'ouali l'adi idaru iya dhukir Allah. Une seconde, nam, une seconde, idaru iya dhukir Allah. Taïb, je n'ai pas le temps parce que ça va prendre du temps, mais je me rappelle aussi le hadith qu'il a dit maintenant, il a dit que l'ouali, c'est la personne qui, quand tu la vois, nam, tu te rappelles Allah Azza wa Jal, tu te rappelles Allah. Azzawajal. Naam. Tayyib, il a dit ici. Al-karamatu tanqasim ila qismayn. Qism yata'allaq bil 'ulum wal mukashafat wa qism yata'allaq bil qudrah wa ta'thira. Cheikh Rahmo a dit que le prodige se divisait en deux. Une partie qui a rapport avec les sciences et les dévoilements des choses cachées, et la deuxième partie qui a rapport avec les pouvoirs et les influences dont Allah Azza wa Jal a doté les saints. En ce qui concerne les sciences, on va commencer par les sciences. En ce qui concerne la première partie, c'est-à-dire les sciences et les dévoilements des choses cachées, il a dit, en ce qui concerne les sciences, comme Allah Azza wa Jal peut te doter d'une science, tu saches une chose que d'autres ne peuvent pas savoir. Il a donné l'exemple, il a dit, comme ce qui s'est passé à Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, en Allah atla'ahu ala ma fi batni zawjatihi. Subhanallah al-Azim. Yani l'hamle. A'lamahu Allah ta'ala annahu unta. Faut voir ça dans l'Isaba fi Tamiz Sahaba, volume 4, page 261. Autrefois, il n'y avait pas ce qu'on appelle maintenant l'échographie. Et, subhanallah al-Azim, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, avant de mourir, a su que celle qui allait venir était une fille. Sa femme était enceinte et il a su que celle qui allait naître était une fille. Et finalement, et ça, naam, sa femme a accouché d'une fille. A accouché d'une fille. Subhanallah, il le savait, yani, ce n'est pas comme nous on dit, je crois que je vais avoir une fille. Non, il savait que c'était une fille. Il lui a même laissé la part d'héritage d'une fille. Et c'était une fille. Subhanallah, comment qu'il a su ça? Ça, c'est le saint. C'est quelqu'un qui est un saint que Allah Azzawajal peut lui, yani, dévoiler des choses. Et maintenant, bien sûr, il y a l'échographie. Il y a l'échographie. Et beaucoup de gens, masha'Allah, ne vont même pas savoir ce qu'ils ont. Beaucoup de gens et de couples, masha'Allah, ils te disent, moi, je ne veux pas savoir ce que c'est. Je préfère avoir la surprise, comme étaient les salafs. Il attend que ce que Allah Azzawajal va lui donner. D'autres, je ne sais pas, le troisième mois ou là, il sait déjà, il veut déjà savoir s'il a un garçon ou là, il a une fille. Maintenant, ça, c'est en ce qui concerne la science. Les saints, dont Allah Azzawajal les dote par la science. Il y a d'autres qui les dotent par, il les dévoile des choses cachées. Et il a cité ici l'exemple de ce qui s'est passé à Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Et je voulais citer une fois, je voulais citer une fois, ça ne fait rien, on le recite, car le rappel profite aux croyants. Ce qui s'est passé que Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu était une fois sur le minbar et il faisait salat al-Jumu'ah. Et, subhanallah al-Azim, tout d'un coup il s'arrête et il appelle quelqu'un qui s'appelle Seria. Comme ça il dit Ya Seria, Ya Seria, oh Seria, oh Seria, El Djebel, la montagne, la montagne. C'est-à-dire, yani, cache-toi, yani, dans ton dos à la montagne. Pour que l'ennemi ne vienne pas par derrière, dans ton dos à la montagne. Quand il a terminé, on lui a demandé. On lui a demandé, yani, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu as dit? On n'a rien compris. Tu faisais la khutbah, tu t'es arrêté. Tu as commencé à dire, appeler quelqu'un. Et ce quelqu'un était loin. Il l'avait envoyé comme chef de groupe. Il l'a envoyé pour faire une bataille. Comment se fait-il? Tu appelles Seriyya maintenant. Et tu coupes Salat al-Jumu'ah pour l'appeler. Or, Seria, qui a été envoyé en Irak, qui était à des milliers de kilomètres loin, Omar ibn Khattab, quand il était sur le minbar, Allah Ta'ala lui a dévoilé que cette personne, maintenant, cette personne que tu as envoyée, l'ennemi allait l'encercler. Et que c'était très grave s'il l'encerclait. Donc, Omar ibn Khattab l'a appelé à des milliers de kilomètres, l'a appelé de sur le minbar. Il lui a dit, Seria, attention, l'ennemi va t'encercler. Yes, Seria, El Djebel, la montagne, Yes, Seria, la montagne. Et Seria, qui était à des milliers de kilomètres en Irak, l'a entendu. Allahu Akbar. Quand il est revenu, il a dit à Omar ibn Khattab et à tout le monde, il a dit, si ce n'était pas ta voix qui me disait la montagne, j'allais, ça aurait été la grande défaite. Ça aurait été la grande défaite. Bien sûr, c'est ce qu'ils appellent maintenant, de nos jours, la télépathie. La télépathie, parler avec quelqu'un qui se trouve à des centaines de kilomètres. Bien sûr, ils essayent, peut-être ils ne sont jamais arrivés. Ils savent que ça existe, mais comment y arriver, ils ne savent pas. Alors que, pour arriver à cette chose, il faut quoi? Il faut la piété, au point où ton cœur soit pur, pur comme du lait. Pur comme du lait, et ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Omar ibn Khattab était connu que c'était quelqu'un qui avait des prémonitions, qui avait le sixième sens. Et le messager d'Allah a dit que dans chaque nation, il y a des gens qui ont l'intuition. Il y a des gens qui se parlent dans leur intérieur d'une chose et elle arrive comme ils ont parlé d'elle. Non, ils pensent à une chose et elle arrive comme ça. Il y a des gens et ils resteront jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'à Yom Kiyama, il y aura toujours des gens comme ça. Et le messager d'Allah a dit, si dans ma nation, il y aura quelqu'un, ce sera Omar ibn Khattab. Donc il a déjà dit le messager d'Allah, il nous a déjà annoncé la nouvelle que Omar ibn Khattab avait cette particularité de sentir les choses. D'avoir un cœur qui n'est pas comme notre cœur, subhanallah. Et je vous ai dit une fois aussi que Omar ibn Khattab, le messager d'Allah, a dit de lui dans un hadith qui se trouve dans Tirmidhi, Sunan Tirmidhi. L'Albani, a dit, hadith authentique. Qu'a dit de lui le messager d'Allah? Il a dit, si jamais il y avait un messager après moi, ce sera Omar ibn Khattab. Subhanallah. Il a dit, si jamais il y aura un messager ou un rasoul après moi, ce sera qui? Ce sera Omar ibn Khattab. Et vous savez bien que Abu Bakr Siddiq est plus aimé d'Allah que Omar ibn Khattab. Parce que la meilleure personne au monde, après les messagers, c'est qui? C'est Abu Bakr Siddiq. Et pourtant, il n'a pas dit de lui que s'il y avait un prophète après lui, ce serait Abu Bakr. Pourquoi? Parce qu'Abu Bakr n'a pas cette particularité. Pour être un prophète, il faut avoir beaucoup, beaucoup de particularités. Entre autres, avoir un cœur qui a l'intuition, qui peut sentir les choses. Et Omar ibn Khattab avait cette chose, subhanallah. Il arrivait que le messager d'Allah, une fois, a voulu faire la prière sur une personne, et Omar ibn Khattab n'a pas voulu que le messager d'Allah fasse la prière sur cette personne. Cette personne, la tête des hypocrites, quand elle est morte. Et il a dit au messager d'Allah, ne fais pas la prière sur lui. Le messager d'Allah a dit, je fais la prière sur lui. Moi, je ne m'intéresse pas à ce qu'il y a dans le fond des cœurs. Cette personne, je la voyais faire la salat, elle est morte, je fais la prière sur lui. Omar ibn Khattab lui a dit, Ya Rasulallah, c'est un hypocrite, la tête des hypocrites, ne fais pas la salat sur lui. Il a dit, je fais la salat sur lui. Et quand il a dit Allahu Akbar, même Omar ibn Khattab a essayé de le tirer vers lui pour qu'il ne la fasse pas. Mais quand il a dit Allahu Akbar, khlas. Quand il a terminé, Allah Ta'ala a fait descendre un verset où il dit, ne fais pas la salat sur cette personne. Allahu Akbar. Un verset, ne fais pas la salat sur lui. Ça veut dire, c'est Omar ibn Khattab qui a raison. Il a dit, il ne faut pas faire la salat sur lui. Comment qu'il a pu sentir des choses comme ça, au point de contrarier le messager d'Allah, de lui dire non, il ne faut pas faire. Subhanallah al-Azim. Ça veut dire quelque chose dans le cœur qui te dit que yani, c'est comme ça la chose. Et une fois il est rentré chez le messager d'Allah, et il voyait comme ça, yani, avant que le hijab ne descende, na'am, comme ça on pouvait voir les femmes du messager d'Allah, il lui a dit à Rasulallah, rentre chez toi, les gens qui sont bien, mais rentre chez toi aussi, les gens qui ne sont pas bien, les pervers, etc. Ils voient tes femmes. Na'am, pourquoi tu ne les cacherais pas? Et voilà que le verset descend, où Allah Ta'ala demande au messager d'Allah de faire voiler ses femmes, spécialement, hein, exactement comme l'avait voulu Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala. Et une fois aussi, hein, après avoir fait le hajj, après avoir tourné autour de la Kaaba, il s'est approché d'un endroit qui s'appelle maintenant Maqam Ibrahim, le Maqam Ibrahim, hein, et il a dit à Rasulullah, et si on faisait deux rak'at ici? Et Allah Ta'ala a fait descendre un verset, juste après ce qu'a pensé Omar, il a dit, وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Et prenez à cet endroit-là, yani faites deux rak'at, c'est-à-dire exactement comme a dit Omar. Et bien sûr, l'imam Ibn Hajr, alayhi rahmatullah, dans son fameux livre Fath al-Bari, a cité 15 cas où Omar pense une chose, radiallahu ta'ala anhu, et Allah Ta'ala fait descendre un verset pour seconder ce qu'il a pensé. Subhanallah al-Azim, Allahu Akbar. Al-Muhim. Donc, s'il y a un saint, c'est bien les Sahaba et c'est bien Omar ibn Khattab, hein, parmi les plus grands saints, bien sûr. Donc, on avait dit que les prodiges, des fois, ça avait rapport avec quoi? Avec la science. Allah Ta'ala te dévoile une science. Et des fois, ça avait rapport avec quoi? Avec les dévoilements des cachets. Et on avait dit aussi troisièmement que des fois ça avait rapport avec quoi? Avec la puissance. Avec la puissance. Et les savants citent comme exemple ce qui s'est passé à Maryam. Maryam, quand elle a quoi? Quand elle a accouché de Isa alayhi salam. Quand une femme accouche, vous savez que elle devient très faible et elle a besoin de beaucoup de repos. Or, juste en accouchant, juste après avoir accouché, Allah Ta'ala lui a demandé de secouer quoi? De secouer un palmier. Or, un palmier, pour le secouer, vous pouvez l'essayer. Si jamais vous voyez un palmier, essayez, et s'il contient des dattes, essayez de faire venir 10 personnes et voyez si vous pouvez faire tomber une datte. Vous ne pourrez jamais faire tomber une datte, même si vous secouez le palmier à 10. Non. Et Allah Ta'ala lui a demandé juste de mettre comme ça son doigt ou là sa main sur le palmier et juste de faire toucher, de faire bouger juste un peu les doigts. Et les dattes ont commencé à tomber, bi-idhnillahi azawajal. Ça rentre aussi quoi? Ça rentre aussi dans bi-idhnillahi dans les prodiges. Ça rentre aussi bi-idhnillahi dans les prodiges. Donc, ça, c'est ce qui rentre avec la puissance. Ensuite, reste ce qui rentre bi-idhnillahi avec quoi? Et naam. Et aussi dans la puissance, ce qui s'est passé avec la personne, ou bien soit avec la personne, ou bien soit avec le djinn. Parce que certains disent une seconde. Ce qui s'est passé à Souleymane alayhi salam, quand l'oiseau lui a dit que j'ai trouvé une femme, naam, Belkis, qui avait un. Masha'Allah, qui avait une royauté, la huppe, l'oiseau qui s'appelle la huppe, qui lui a dit que j'ai trouvé une femme, avec sa communauté, qui adorait le soleil, etc. Et que il y a quelqu'un qui lui a dit, qui a proposé à Suleyman, alayhi salam. Certains disent c'est un djinn, d'autres disent non. Qui lui a dit, si tu veux, Suleyman, le temps que tu te lèves de ta chaise, je vais te ramener cette femme avec tout ce qu'elle possède. Avec ses chevaux, avec son palais, avec ses servantes, avec tout ce qu'elle possède, ses bijoux aussi. Hein? Et un autre a dit, moi, quant à moi et Suleyman, je peux te ramener tout ça. C'est pas tu te lèves et tu t'assois. Ça prend beaucoup de temps, se lever et s'asseoir. Juste le temps que, comment on dit ça en français, Annie, tu bouge, tu fermes les yeux, tu le fais, l'œil qui clignote plus vite que ton œil ne clignote. Non. Avant que ton œil ne se ferme et s'ouvre, vous remarquez, nos yeux se ferment et s'ouvrent plusieurs fois à la minute, plusieurs fois. Lui dit, le temps que ton œil s'ouvre et se ferme, tu trouveras tout ça devant toi. Et finalement, ça s'est passé comme ça. Non. Suleyman, alayhi salam, n'avait pas cligné des yeux que cette personne-là ou ce djinn-là lui a tout ramené. Lui a ramené Bilqis avec tous ses chevaux, avec tout ce qu'elle possède, tous ses bijoux, tout son palais, tous ses servants, toutes ses servantes. Ils étaient là, présents devant Suleyman, alayhi salam. Son trône, naam, son trône et tout ce qui a rapport avec le trône. Tayyib reste. Reste quoi? Non. Donc ça rentre dans quoi? Dans le pouvoir et les influences dont Allah Azzawajal peut doter, non, ou bien dote certains de ces saints. Non. On va s'arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala, le temps que j'aille faire Salat al-Isha et que je revienne pour terminer. Il reste à peu près 5 minutes et on termine ce cours, bi'idhnillah Azzawajal. J'espère, je profite pour vous dire que j'espère que vos questions seront prêtes. Nam, préparez dès maintenant vos questions et donnez-les aux admins. Les questions qui seront, inshallah ta'ala, en rapport, ou bien avec le cours, ou bien avec la aqida en général, ou bien avec le minhaj, ou bien avec la salat. Laissez de côté seulement quoi? Le mariage et le divorce. Le mariage, inshallah ta'ala, on va le laisser de côté, et le divorce. Allah yafina, que Allah Azza wa Jalla nous préserve du divorce. On va l'oublier, inshallah ta'ala, jusqu'à mercredi. Inshallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous laisse le micro si vous voulez mettre le Coran, bi'idhnillahi ta'ala. Ou bien quelque chose de profitable. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tayyib. On reprend, inshallah ta'ala, on s'est arrêté. Il reste à peu près 10 minutes dans le cours, inshallah ta'ala. Et on va passer, bidna aux questions-réponses. Ensuite, le cheikh Lahmo a parlé que les prodiges resteront jusqu'à la fin du monde. Il va donner le délit que les prodiges ne s'arrêteront pas et qu'ils resteront jusqu'à la fin du monde. Il a dit pour cela, les délits se divisent en deux. Il y a des délils qui viennent, c'est-à-dire scriptuaires. Scriptuaires, c'est-à-dire qui viennent du Coran ou bien de la Sunna, quelque chose d'écrit. Et il y a des délils de la raison. quant au dalil qui vient du Coran ou bien de la Sunna, c'est que le hadith qui dit que à la fin du monde viendra le Messie ou Dajjal, l'Antéchrist. Naam. Et cet Antéchrist, quand il viendra, il fera beaucoup de choses. Entre autres, qu'est-ce qu'il va faire? Entre autres, lorsqu'il va venir, il va y avoir un jeune homme qui va s'adresser à lui et lui dire « Tu es un menteur. Naam. Tu n'es pas le vrai Messie. Tu n'es pas, c'est-à-dire Isa alayhi salam qui va venir. » Car il y a deux messieurs qui vont venir. Le faux messie et le vrai messie. Il va lui dire, ce n'est pas vrai. Toi, c'est le faux messie. Et le messager d'Allah, alayhi sallam, nous a mis en garde contre toi. Alors là, cet antéchrist va vraiment s'énerver et se mettre en colère. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va prendre ce jeune homme et le couper en deux. Non, il va prendre ce qu'on appelle une scie, et naam, il va lui ouvrir ses jambes et, subhanallah al-azim, le couper en deux. Naam, subhanallah al-azim. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va marcher entre les deux parties. Et il va le couper en deux, une partie sera à sa droite, une partie sera à sa gauche. Et il va marcher comme ça, entre ces deux parties, pour vraiment montrer aux gens qu'il l'a vraiment coupé et que ce n'est pas de l'imagination. Ensuite, il va lui dire, lève-toi de nouveau, subhanallah al-azim, et l'autre, il va ressusciter de nouveau, naam, et il va, yani, ces deux parties vont s'allier de nouveau, et il va se lever. Alors là, l'antéchrist lui dira, et maintenant, est-ce que tu crois en moi ou pas encore? Est-ce que tu crois que c'est moi, Rabb, c'est moi le Seigneur, ou tu crois pas? Parce qu'il n'y a que le Seigneur, bien sûr, qui puisse faire une chose pareille. Alors, tu crois en moi ou pas? Alors là, cette personne va lui dire, justement, maintenant, je n'ai que la grande certitude, je n'ai que la plus grande conviction que c'est toi l'Antéchrist. Car justement, le messager d'Allah nous a appris que cette chose allait se passer. Il nous a appris qu'il y a un jeune homme qui va se lever, qui va lui parler, et ensuite l'autre va le couper en deux, etc. Donc maintenant, je n'ai que encore la grande conviction et certitude que c'est toi l'Antéchrist. Alors là, bien sûr, je ne suis pas arrivé au témoin. Le témoin du Dars, qu'il y a des prodiges. Alors là, l'Antéchrist va vraiment, vraiment se mettre en colère et va essayer, quoi, de le tuer, yani, une fois pour toutes. Et là, Allah Azza wa Jal, naam, ne lui permettra pas de le tuer. Allah Ta'ala, naam, ne lui permettra pas de le tuer. Pourquoi? Pour montrer donc que c'était un faux messie. Et que si c'était vraiment le Seigneur lui, alors il aurait pu le tuer une deuxième fois. Donc c'est pour prouver que la première fois, c'était venu d'Allah Azza wa Jal, et que la seconde, naam, il ne peut pas le tuer vraiment. Donc, et cette chose, ça va arriver quand? Ça va arriver vers la fin du monde. Donc c'est une preuve que les prodiges ne vont pas s'arrêter jusqu'à la fin du monde. Ensuite, il a dit, il y a un délil aussi, un autre délil de raison, c'est quoi? Il a dit, on va dire, tant que la cause du prodige, c'est quoi? C'est le fait d'être un saint. Naam. Et le fait d'être un saint restera jusqu'à la fin du monde. Donc les prodiges resteront jusqu'à la fin du monde. Vous comprenez? Le prodige vient de quoi? Naam. Vient du fait d'être saint. Et le fait d'être un saint, est-ce que ça s'arrête? Ça ne s'arrête pas. Celui qui est croyant, qui est pur, est un saint. Ça restera jusqu'à la fin du monde. Donc le prodige restera jusqu'à la fin du monde. Il a cité aussi, parmi les prodiges les plus connus, ceux qui sont rentrés, les trois qui sont rentrés dans la caverne. La caverne et yani, le grand rocher qui leur a bouché leur sortie. Et comment qu'ils ont fait des doigts et ils sont sortis. Et ça, Inch'Allah Ta'ala, c'est notre prochain dars. Le prochain dars, Inch'Allah Ta'ala, de mercredi, dans Riyad Salihin. Il a cité aussi le prodige de Usayd ibn Khudayr. Usayd ibn Khudayr, c'est quelqu'un qui était en train de faire la prière de la nuit en lisant Salat al-Baqara. Il lisait dans sa Salat al-Baqara. Et il avait à côté de lui un cheval. Et à côté du cheval aussi, il y avait son fils qui dormait. Subhanallah al-Azim. Et quand il faisait la salat, il disait salat al-Baqara, tout d'un coup, il a entendu le cheval, yani. Le son est faible. Tout d'un coup, il a commencé à entendre le cheval comme yani, inir, nam, comme s'il voulait se détacher. Et vraiment, il s'ébranlait. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il s'arrêtait de lire. Il s'arrêtait de lire. Et il s'arrêtait un peu, ensuite il relisait. Dès qu'il commençait à relire, le cheval commençait à faire la même chose. Commençait à faire la même chose. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête de lire. Il s'arrête un peu et il recommence à lire. Dès qu'il recommence à lire, le cheval fait la même chose. Il veut aller tout côté, il veut. Alors il s'est rappelé qu'il y avait son fils près de lui et qu'il avait peur que le cheval n'écrase son fils. Il a dit, il vaut mieux que j'arrête la prière. Non. Alors, il a arrêté de lire, il a arrêté la prière, il est allé aller voir son fils si rien ne s'est passé de grave par rapport au cheval. Ensuite, il a vu, quand il était du côté de son fils, il a levé comme ça la tête vers le ciel et il a vu quoi? Il a vu que il y avait comme, subhanallah, comme on appelle, comme un nuage. Un nuage, subhanallah, qui quoi? Plein de lumière. Un nuage plein de lumière au-dessus de sa tête. Non, au-dessus de sa tête. Et donc, bien sûr, quand il a raconté cette chose le matin au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, El-Mohim, lorsque la personne a raconté, la personne qui s'appelle Ousseyd ibn Khudayr, a raconté au messager d'Allah, alayhi ce qui s'est passé, et le nuage qu'il avait vu, le nuage plein de lumière, le messager d'Allah lui a dit, c'était les anges qui sont descendus pour écouter ton Coran. Yani, parce qu'il disait, Masha'Allah, une voix, Masha'Allah, avec khushu, avec une lenteur, il dit, ce sont les anges qui sont descendus pour écouter ton Coran. Et si tu avais continué jusqu'au matin, alors, il serait resté comme ça, visible aux gens, et les gens les auraient vus. Et les gens les auraient vus. Donc ça, c'est quoi? C'est aussi un prodige. Hein? Ou un prodige que Allah Azzawajal mette sur ta tête, mette sur ta tête un nuage illuminé. Imaginez un nuage yani, plein de lumière qui éclaircit comme ça, dans l'obscurité. Et c'était qui? Ce sont des anges. Et rappelez-vous quoi? Rappelez-vous alors la relation ici, c'est quoi? Comme a dit le messager de là, que les anges ont été créés de quoi? De lumière. Donc ça concorde avec le hadith. Ils sont venus avec leur lumière. D'ailleurs, il y a aussi l'histoire de celui qui a fait des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala, lui quoi? Lui ressuscite son cheval qui est mort. Non. Et il y a l'histoire de Asim ibn Thabit, l'histoire de Asim ibn Thabit. Celui-là, c'est quelqu'un que les koufars ont voulu tuer. Ont voulu tuer. Mais il avait fait des doigts. Ils l'ont même menacé de lui couper la tête. Ce hadith se trouve dans Al-Bukhari. Hadith numéro 3690, pour ceux qui veulent le lire. Et il avait fait des doigts pour que Allah Azzawajal, même s'il meurt, ne leur permette pas qu'il lui coupe la tête. Ne leur permette pas qu'il lui coupe la tête. Après l'avoir tué, hein, ils se sont approchés vers lui pour lui couper la tête. Comment, qu'est-ce qui va se passer ici? Non. Qui peut les retenir? Qui peut les retenir? Ils sont seuls avec lui. Il n'y a aucun musulman qui peut les retenir. Mais qui peut les retenir? Vous savez qui? Vous savez qu'est-ce qu'il a envoyé? Vous pouvez vérifier le hadith, j'ai dit, 3690 dans le Bukhari. Qu'a envoyé Allah Azzawajal? Allah Azzawajal a des milliers et des milliards de soldats. Ce n'est pas obligé que ce soit les musulmans qui soient les soldats, ou plutôt les hommes. Ça peut être des grenouilles, ça peut être des oiseaux, ça peut être des singes, des crocodiles, des moustiques, non? Comme ce qui s'est passé à Pharaona, plein de grenouilles, etc. Allah Azzawajal lui a envoyé un essaim, un grand groupe d'abeilles. Et plus précisément, les mâles, qu'on appelle ici en Algérie, par exemple, Bouzelzel, les mâles des abeilles. Et vous savez que les mâles des abeilles, vous savez que yani, leur piqûre fait beaucoup plus mal. Et que lorsqu'ils piquent, ils ne meurent pas. Ce n'est pas comme l'abeille qui te pique et elle meurt. Subhanallah, un Nissan, je ne sais pas, 1000 ou les 10 000 ou les 100 000, Allah leur a ordonné d'entourer son cou, d'entourer le cou de Asim ibn Thabit. Et Allah Ta'ala va leur lancer un défi. On va voir là s'ils peuvent lui couper la tête. Est-ce qu'il y a une personne qui peut s'approcher à une autre personne pour la toucher si cette personne est entourée par des milliers d'abeilles? Surtout que à l'époque, par exemple, il n'y avait pas la combinaison là qui peut, par exemple, nous permettre de ne pas être piqué. Même s'il y avait cette combinaison, Allah Ta'ala aurait envoyé une chose, une autre chose qui, yani, n'aurait pas pu contrarier. Al-Muhim, et il est resté comme ça, et personne n'a pu lui couper la tête, et ils sont revenus comme ça, Kha'ibin Khasirin. Les kofars sont repartis chez eux, na'am, en reconnaissant qu'ils étaient dans l'incapacité, incapacité de lui couper la tête. Donc ça, c'est aussi quoi? C'est aussi un prodige pour cette personne, bi'idhnillahi azza wa jal, na'am. Taïb, maintenant, je voudrais finir par une seule phrase en disant que, Inch'Allah ta'ala, ce qu'on va retenir du cours, c'est quoi? C'est que les prodiges, ce sont pour les saints, et les miracles, ce sont pour les messagers, les prophètes. Et que les prodiges ne se termineront pas et existeront jusqu'à la fin du monde. Et que les prodiges, hein, pour faire la différence entre le prodige et la sorcellerie, le prodige sera fait par le biais d'un saint, alors que la sorcellerie sera faite par le biais du shaitan. Du shaitan et d'un charlatan et d'un sorcier. Et d'un sorcier. C'est pour cela que les savants disent, si vous voyez, apprenez bien cette phrase. Normalement, on devrait l'écrire, on l'écrit comme ça, yani dans nos cahiers. Et pour ne pas l'oublier, si jamais vous voyez quelqu'un voler dans l'air ou marcher sur l'eau, ne dites pas que c'est un saint jusqu'à ce que vous voyez son application, comment qu'il applique, yani, l'islam, jusqu'à ce que vous voyez ses adorations. Ses adorations. Celui qui a volé, j'attends qu'il descende. Quand il descend, je vais voir. Est-ce que, yani, il va aller à la prière si c'est le temps de la mosquée, ou est-ce qu'il va allumer une cigarette et il va commencer à dire des insultes et à dire n'importe quoi, ou je ne sais pas quoi, à insulter. Non, il faudrait que je voie, hein, pour savoir s'il est plus, si c'est un saint, ou c'est un sorcier, ou c'est un. C'est-à-dire, pour savoir si c'est un allié d'Allah ou bien un allié du shaitan, il faut que je voie comment qu'il est dans le dîn. Est-ce qu'il est bien, il est rentré dans le dîn ou bien il n'a pas de dîn. S'il n'a pas de dîn, ou bien un dîn très très faible, c'est quoi? C'est un allié du shaitan et non pas un allié d'Allah Azzawajal. Et là, les savants comme Ibn Taymiyyah rahmatullah a cité une histoire dans son livre, Majmou' al-Fatawa, une histoire, masha'Allah, qui va t'apaiser encore ton cœur dans ce que je viens de dire maintenant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire comme ça, vite, si on voit quelqu'un marcher sur l'eau, ou bien on voit quelqu'un voler en l'air. Il a dit qu'il y avait autrefois, c'est une histoire véridique, il y avait un endroit comme ça, disons un petit village, où à chaque année, quand c'était le moment du Hajj, quand c'est le moment du Hajj, il y avait une personne qui prétendait être un saint. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle faisait? Quand le moment du Hajj venait, elle montait comme ça sur une petite montagne, le sommet d'une montagne, et attendait. Et on disait aux gens qui ne voulaient pas croire, on leur disait, venez, venez quand c'est le moment du Hajj, et assistez, vous verrez avec vos yeux si ce qu'on dit est vrai ou là si on ment. Le Mohim, quand il montait sur la montagne, le sommet de la montagne, cette personne qui se disait un saint, ils attendaient un peu, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient en l'air, ils voyaient, hein, un chameau avec des ailes, subhanallah l'adhim, un chameau qui volait avec des ailes. On le voyait de loin, venir, venir, venir, venir, jusqu'à ce qu'il arrive sur le sommet où il y a cette personne prétendue saint. Ensuite, cette personne, le chameau descendait, subhanallah l'adhim, comme un avion, hein, atterrissait. Le saint se mettait sur ce chameau et il partait au Hajj. Et comme ça, quand c'est le retour, les gens allaient l'attendre là-bas. il venait sur le chameau quand le hadj se termine, et les gens le prenaient sur leurs épaules, lui embrassaient ses pieds, l'adoraient, le mohim. Vous savez ce que font les djouhels avec une personne quand ils pensent d'elle que c'est un saint. Le Quand cette personne est morte, on a dit au fils de cette personne, et si tu faisais comme ton père, si tu allais sur la montagne, attendais, peut-être que le chameau viendrait aussi. Il a dit non, moi je n'ai rien à voir, etc. On lui a dit si, on ne sait jamais. Peut-être que toi aussi ton père t'a donné cette chose, ou là tu es comme ton père, Allah t'a donné cette chose, essaye, oh, tu perds rien. Il a dit on va voir, puis je vous parlais, je vais essayer. Il est monté quand c'était le moment du Hajj. Il est monté sur la même montagne, sur le sommet, il attendait. Et les gens, bien sûr, des milliers, des millions en bas, en train de voir ce qui va se passer. Et voilà que le chameau arrive. Le chameau avec des ailes qui volent. Il vole, il vole, il vole jusqu'à ce qu'il arrive. Et en voyant son fils, il descend, Nam, et son fils se met dessus, sur le chameau, et il s'envole de nouveau. Nam. Mais voilà que seulement 2 ou 3 jours après, Nam, on voit le fils revenir à pied. Subhanallah, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il? Ton père revenait sur le chameau, toi tu es revenu à pied. On ne comprend pas, est-ce qu'il s'est passé une chose? Il a dit oui, exactement, il s'est passé une chose. Il a dit quand je suis monté sur le chameau, hein, on avait fait certains kilomètres, je ne sais pas, 20 ou la 30 ou la 100 ou là, et voilà que le chameau yani, a atterri, il a descendu, il est descendu dans un endroit spécial. Et ensuite, quand il a posé les pieds, le chameau a posé ses jambes, ses pieds sur terre, il m'a dit, écoute mon fils, je ne suis d'autre qu'un shaitan, je suis un djinn moi, un djinn kafir, je ne suis d'autre qu'un shaitan. Et c'est moi qui prenais ton père à chaque fois au hajj, le remettait. C'est moi qui lui ai donné, par ma cause, il est devenu, comme tu vois, très connu dans le monde et mashallah, mashallah. À chaque fois que je prenais ton père au Hajj, quand on arrivait à cet endroit exactement, là où je suis avec toi, il descendait et me faisait une prosternation. Alors, mon fils choisi, tu me fais la prosternation. On continue le voyage et tu es le grand pieux, le grand saint que les gens yani, adorent. Ou alors, tout s'arrête entre nous ici. Et le fils a dit, A'oudou billah min shirk. Qu'Allah me préserve du shaitan et de son shirk. Qu'Allah me préserve de l'enfer. Non, je préfère yani, aller à pied plutôt que yani, continuer avec toi. Et il s'est désavoué de lui. Et il était revenu en marchant. Al-Muhim, c'est vous dire que les gens qui yani, n'ont pas assisté à cette histoire, par exemple, mais ne connaissent pas ce qui s'est passé avec le fils de celui-là, croient que son père, c'est quoi? C'est un grand pieux, c'est un grand saint. C'est un saint, c'est le grand wali. Certains diront qu'il est mieux que le messager. Le messager ne volait pas sur les chameaux. Il marchait sur les chameaux. Non, son chameau marchait, il ne volait pas. Mais subhanallah, regardez ce que le shaitan fait avec les gens. Et les gens qui n'ont pas le discernement, le furqan. C'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah a écrit un livre qui s'appelle La différence entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan. Ne te précipite pas, ne te presse pas pour dire celui-là c'est un saint, parce qu'il vient de faire une chose extraordinaire. Mais regarde d'abord sa piété. C'est quelqu'un de qui? C'est quelqu'un qui fait les prières à l'heure. Sa femme est avec le djilbab, ses filles, la même chose. Il ne dit pas les gros mots, il dit, non, celui-là c'est un saint. Mais si c'est celui qui est quelqu'un qui boit, quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui dit des gros mots, quelqu'un qui drague des femmes, quelqu'un, celui-là ce n'est pas un saint, celui-là c'est un shaitan. Il travaille avec les shaitans. Vous voyez pas, quand vous voyez un sorcier ou une sorcière, comment qu'il est fait? Regardez seulement son visage, subhanallah, vous trouvez noir, noir, nam, masiya, la perversité, le kufr, le shaitan. Regardez les sorcières, comment qu'elles sont. Les sorcières, elles sont sales, a'oudou billah, elles sont sales, elles ont une mauvaise odeur, a'oudou billah, nam. Et une chose pareille peut échapper même yani, à des gens qui vivaient avec le messager d'Allah. Certains ne remarquent pas des choses pareilles parce que le shaitan a beaucoup de ruses. Il dupe, il veut duper et ruser. Dans un hadith authentique, rapporté dans Kitab Tawhid de Cheikh Mohamed Abdou Abdouhab, expliqué par Salah al-Sheikh, Hafidhahullah, et par Cheikh Ibn Uthaymin aussi, il est cité que la femme de Abdullah ibn Mas'ud, qui s'appelle Zaynab, Zaynab, la femme de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anha, une fois, elle a eu un œil enflé, et cet œil n'arrêtait pas de sécréter, disons, un liquide, des larmes qui n'arrêtent pas de couler de son œil. Une fois, Abdullah ibn Mas'ud ne l'a pas trouvé à la maison, il lui a dit, où étais-tu? Elle a dit, j'étais chez un raqi, un juif. J'étais chez un raqi, un juif. Et, mashallah, dès qu'il commence à me faire la ruya, ça s'arrête. Et je parle, quand je viens ici à la maison, je m'éloigne de lui, il commence à me faire mal. Il commence à me faire mal, etc. Que lui a dit Abdullah ibn Mas'ud? Il lui a dit, en ce sens, je vous dis à peu près ce qu'il a dit. Il lui a dit, Allah yahdik. Allah yahdik. Ça, c'est le shaitan. Le shaitan, qu'est-ce qu'il a? Il te met son doigt dans ton œil. Comme ça, il le crève à peine. Il te fait mal à peine pour l'armoyer, pour l'armoyer. Mais dès que tu vas chez le juif et il commence à te faire la ruqya, qui est bien sûr shirk sur shirk, alors le shaitan là va te laisser tranquille. Pourquoi? Parce que le shaitan n'aime que le mal. Alors là, il est entre deux choses. Ou bien te faire mal à l'œil, ou bien te faire mal dans ton cœur en te faisant croire que la ruqya du juif, elle a, mashallah, elle a des résultats et tu vas croire au shirk. Donc le shaitan, dans ce cas, il préfère que tu fasses le shirk. Il s'éloigne de ton œil, il laisse ton œil yani, en bonne santé. Il lui a dit taqillah. Et ça te suffit de dire a'oudou bi kalimatillahi tamma min kulli shaytan wa hamma min kulli 'ain lamma, ou quelque chose comme ça. Il a dit, il suffit de dire bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi, ou allahumma rabbin nas adhib al-ba's wa shfi anta shafi la shifa ila shifaak. Il a dit cette doua justement. Taqillah. Donc vous voyez, elle part chez le raqi et le shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tiens, celle-là, elle est venue chez le raqi, chez le raqi qui va lui faire une ruqya de shirk et de kufr. Eh bien, celle-là, je vais la laisser tranquille. Je vais lui faire croire que ça marche, cette ruqya, ça marche. Comme ça, elle va rentrer dans le shirk. Je préfère la laisser tranquille dans son œil et la faire tomber dans un shirk, c'est-à-dire faire le plus grand mal. Donc, le shaitan a beaucoup de ruses. Mais vous voyez ici, c'est une compagnonne, radiallahu ta'ala anha, et son mari l'a mise en garde. Yani elle peut se tromper. Alors, qu'en est-il de nous qui sommes loin de la aqida? Et vous voyez que cette femme est allée faire une ruqya. Chez qui? Chez un raqi. Un homme. Et encore chez qui? Chez un juif. L'essentiel, yani, c'est qu'il ne reste pas en tête à tête, comme vous devez le savoir. Voilà, inshallah ta'ala, pour le dars. Et je dis, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.